il y a deux jours de l'ouverture de l'exposition Dans ma peau au Musée de l'Homme à Paris, nous allons nous intéresser aujourd'hui à cet organe vital qui est le seul que nous ayons littéralement sous les yeux. À la fois relationnelle, elle nous livre des informations sur l'extérieur, communicationnelle puisqu'elle est notre interface de contact avec le monde, et de défense, c'est la première et principale barrière contre les agents pathogènes. Notre peau est pourtant régulièrement maltraitée. Exposition intempestive au soleil, produits cosmétiques, détergents et pollution. À l'heure où la recherche est au seuil de sa bio-impression, la peau a encore la peau dure. Peau de porc en porc, c'est le programme épidermique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cet organe essentiel, de son fonctionnement, de ses dysfonctionnements aussi et de l'état de la recherche à son sujet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Martine Bagot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Provence à Aix avec Marie-Alette Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue au sein de l'unité dermatologie, vénéréologie et cancérologie cutanée à l'hôpital de la Timone à Marseille, ancienne présidente de la Société française de dermatologie. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission via votre méthode d'écoute favorite sur les ondes en replay sur franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée. Et comme toujours, en complément, en allant regarder et en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors pour commencer, je vous le disais à l'instant, sans liaison dangereuse même, mercredi s'ouvre au Musée de l'Homme la grande exposition du printemps Dans ma peau, ça dure jusqu'à début juin. Et Antoine Beauchamp, vous avez eu la chance et le privilège de découvrir cette exposition en avant-première et vous nous la faites visiter. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est Isabelle Velter, commissaire de l'exposition, et la biologiste Françoise Berner qui m'ont guidé dans cette exposition qui nous plonge d'emblée en immersion grâce à des images de synthèse dans les différentes couches de la peau. L'exposition Dans ma peau permet non seulement de comprendre comment fonctionne notre organe, mais ça n'est pas tout. L'exposition sensibilise également aux enjeux de la recherche concernant la reconstitution de la peau depuis les premiers pas de cette recherche, dans les années 70, jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose donc de débuter la visite avec Françoise Berner, qui sera rejointe par Isabelle Velter dans un deuxième temps. La peau, comme on le sait tous et comme on le voit, en fait, a une très grande diversité de couleurs. Et cette diversité de couleurs est en fait issue de la quantité et de la qualité du pigment, donc de la mélanine. En fait, il existe plusieurs sortes de mélanine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette mélanine brune-noire qui est photoprotectrice et la mélanine jaune-orangée est, elle, plutôt phototoxique. On a un dispositif où dans une chromasphère, c'est-à-dire une grande sphère dans laquelle on pourra mettre son visage, prendre une photo en colorimétrie de la couleur de votre peau, avoir sur l'écran d'à côté le résultat en couleur et retrouver cette couleur sur le nuancier qui est à côté et qui vous dira, par exemple, vous êtes à l'intersection de C et de 8 et en fait vous allez sur ce nuancier des peaux les plus claires aux plus sombres, les plus jaunes aux plus roses. Et ici, comme dans les salles qui suivent, on a des kakémonos rouges que vous voyez, qui sont des contrepoints anthropologiques proposés par le Musée de l'Homme, qui sont très enrichissants puisqu'ils viennent s'ajouter au discours d'explication biologique qui est donné dans chacune des salles. Ici, on a une salle où on explore en fait l'organe du toucher, puisque la peau, c'est d'abord cet organe-là. Et donc, on a conçu un dispositif dans lequel on va pouvoir avoir une interaction. Et quand on presse, quand on tire, quand on change la température, quand on souffle ou quand on frotte une surface avec des textures différentes, en fait, on se rend compte qu'on simule des terminaisons nerveuses qui ne sont pas exactement les mêmes. Ça permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne le toucher. Donc ici, on va avoir toute une séance sur le microbiote, en fait, oui. Donc sur l'ensemble de la microflore qui réside à la surface de la peau. Donc une vidéo, mais aussi des dispositifs pour montrer que sur les corps des adolescents ou des enfants et sur les corps des adultes, on n'a pas exactement la même microflore, donc les mêmes sous-populations microbiennes qui habitent certaines zones géographiques. Et donc, à chaque fois, on va avoir une cartographie, en fait, de micro-organismes en montrant la différence qu'il y a à chaque endroit et comment on vit correctement avec elles quand elles sont en équilibre. Alors ensuite, là, on arrive dans la partie qui s'intitule « Reconstruire la peau ». Alors, qu'est-ce qui est présenté ici et qu'est-ce que vous avez mis en avant ? Alors, dans cette première salle, vous avez le processus de reconstruction avec tout d'abord l'historique des reconstructions de la peau, les différentes étapes. Cette reconstruction a démarré dans la fin des années 70-80 avec les premiers modèles et surtout la meilleure connaissance et la compréhension de la culture des cellules d'abord de notre couche superficielle, l'épiderme. Une fois qu'on a sur recultiver et obtenir ces cellules de l'épiderme, l'étape d'après a essayé de leur donner une organisation et une architecture en 3D pour avoir un tissu, un premier tissu qui était le tissu superficiel de notre peau, l'épiderme. C'était une très grande avancée parce que il a fallu développer des systèmes de culture qu'on appelle à l'interface air liquide, c'est-à-dire qu'en fait on a l'habitude dans les laboratoires de cultiver les cellules dans un milieu de culture, donc ce qu'on appelle en immersion, mais là il a fallu mettre ces cultures en contact de l'air pour avoir ce processus finalement de différenciation pour avoir toutes les couches de l'épiderme jusqu'à la formation de la couche cornée. Donc ça, c'était une avancée absolument spectaculaire. Et puis, au cours de toute cette histoire, il y a eu des modèles de peau pathologique et puis des modèles âgés pour pouvoir reproduire une peau jeune, une peau âgée. Voilà, donc on a toutes ces étapes qui, à chaque fois, sont des avancées puisqu'elles complexifient, mais elles rapprochent aussi la peau qu'on en arrive à obtenir au laboratoire d'une peau, d'une vraie peau. Là, ça, c'est toutes les récentes avancées qu'on va continuer à explorer dans cette partie-là. Là, on a affaire à un des exemples de ce qu'on peut trouver dans un laboratoire de biologie classique, des petites boîtes de pétri avec quoi dedans ? Des modèles de peau, c'est ça ? Alors, tout à fait. Là, on a la visualisation d'une plaque, en fait, qui est composée de plusieurs peaux reconstruites. Donc, on a 24 puits, c'est comme ça qu'on les appelle. Ces kits peuvent être utilisés pour des applications à plus grande échelle, par exemple pour évaluer la toxicité ou l'efficacité de certaines molécules. Donc ici on a deux exemples, en fait un exemple de la reconstruction d'une peau pathologique avec l'exemple des enfants de la Lune en fait. C'est une maladie génétique très rare qui en fait est uniquement localisée au niveau de la peau par une hypersensibilité au rayonnement ultraviolet et cette hypersensibilité fait que ces enfants vont développer des signes cliniques extrêmement rapidement et d'une façon extrêmement importante par rapport à des personnes saines, notamment l'apparition très tôt dans l'enfance de cancers liés à l'exposition au soleil. Alors là, on est dans une salle un peu en forme de rotonde et au mur, il y a encore un autre aspect, c'est l'aspect greffe de peau. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces projections et qu'est-ce que ça nous apprend ? L'idée chez les grands brûlés, c'est de pouvoir réparer pour récupérer cette fonction protectrice, cette fonction barrière, le plus rapidement possible. Donc en fonction du degré de brûlure, les choses vont se passer, je dirais, spontanément, naturellement, la peau va se régénérer. Mais lorsque la brûlure est trop importante, à ce moment-là, il faut intervenir. Donc la première intervention va être de recouvrir la peau pour créer un pansement, hein, pour protéger. Mais ça ne sera pas suffisant, il va falloir réintroduire une nouvelle peau. Alors, il y a d'abord une première approche qui peut être engagée, c'est d'utiliser une peau de quelqu'un d'autre, hein, qu'on appelle une greffe hétérologue. Mais là, ça ne peut pas être durable puisque on a un problème d'incompatibilité et de rejet. Donc la deuxième approche, c'est d'avoir une greffe autologue avec les cellules du patient, de les faire pousser au laboratoire et d'arriver avec des peaux reconstruites les plus perfectionnées, on va dire, possibles, pour avoir le meilleur résultat au final au niveau de la greffe. Donc éviter les rétractions et imaginer demain la greffe de peau avec la pigmentation de l'individu pour avoir un meilleur résultat esthétique. Voilà une petite visite, sommaire en avant-première de cette exposition Dans la peau qui va ouvrir donc mercredi au Musée de l'Homme à Paris. Peut-être une première réaction comme ça rapide à ce que vous venez d'entendre, Martine Magot. Alors écoutez, c'est une exposition qui a l'air extrêmement intéressante. Moi, je voudrais ajouter un aspect qui n'a pas été abordé clairement dans cette présentation de tous les... On ne peut pas aborder tout dans une exposition. Il a fallu faire des choix, effectivement. Absolument. Donc il faudrait ajouter que la peau est un organe immunitaire à part entière, extrêmement original. C'est-à-dire que les réponses immunitaires qui ont lieu au niveau de la peau sont différentes des réponses immunitaires qui ont lieu au niveau du sang et sont parfaitement adaptées au micro-environnement. Alors, par exemple, il y a des cellules qui s'appellent des cellules de Langerhans qui ont des grands dendrites et qui ont pour mission d'aller chercher tous les allergènes étrangers qui arrivent au niveau de la peau pour informer notre système immunitaire que ces allergènes étrangers sont présents. Donc ça, ce sont des cellules, disons, je dirais, présentatrices d'antigènes. Et vous savez que les cellules de base de l'immunité sont les lymphocytes. Mmh. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au niveau de la peau, on en a parlé, il y a un microbiote très particulier, avec des bactéries qui sont extrêmement nombreuses, présentes au niveau de la peau. Et donc, au niveau de la peau, nous avons des lymphocytes qui sont spécialisés pour répondre à ces bactéries, en particulier une qui est très fréquente, qui est le staphylocoque blanc, Staphylococcus epidermidis. Et ce qui a été montré assez récemment, c'est que ces lymphocytes qui répondent au staphylocoque blanc, qui sont déterminés pour répondre à ce staphylocoque blanc, peuvent changer en cas de blessure, en cas d'altération de la peau, avec production d'alarmine. Ces lymphocytes peuvent changer de phénotype, ils changent leur production de cytokines pour finalement devenir des cellules qui favorisent la cicatrisation, la réparation. Donc, ce microbiote, il est non seulement en symbiose avec nous, mais il nous aide, en fait, il aide nos cellules à répondre de manière parfaitement adaptée à l'environnement. Marie-Alette Richard, on va revenir évidemment sur cette partie immunitaire dans quelques instants, mais Marie-Alette Richard, j'aimerais entendre votre réaction à ce premier reportage et à cette visite guidée de l'exposition Dans ma peau. Dans les grandes diversités de la peau, il ne faut jamais oublier non plus que ce qui était abordé, c'était la partie relationnelle, la partie communication qu'apporte la peau, mais la peau, c'est également et surtout, en termes d'organes de protection, quelque chose qui nous permet de lutter contre la perte excessive en eau, qui nous permet de lutter contre les traumatismes, contre les agents animés, les micro-organismes, parce que l'épiderme en particulier a une fonction de barrière qui est remarquable. Cette fonction barrière, elle tient une organisation cellulaire et des kératinocytes qui est très particulière dans le sens d'une maturation très progressive des cellules, qui permet en même temps qu'une dédifférenciation de celles-ci, leur perte de leur noyau, l'acquisition d'une capacité non seulement à l'élasticité, mais en même temps à une solidité remarquable qui fait que la peau est une véritable barrière, et l'épiderme en particulier assure cette fonction-là. Et cette fonction est importante, et elle vient compléter ce qu'a dit Martine Magot sur les capacités immunitaires, de défense immunitaire de la peau, c'est que l'épiderme en lui-même nous empêche non seulement des attaques bactériennes, des attaques virales, mais nous permet aussi d'éviter la perte en eau et nous permet donc d'avoir un véritable mur qui normalement est infranchissable. Donc c'est quelque chose qui est indispensable à la vie, sans peau, et c'est pour ça qu'il est très important et c'est très utile d'avoir développé dans votre reportage tout ce qui est technique de reconstruction de la peau, de développer ses spécificités dans la mesure où il y a beaucoup à faire chez les grands brûlés, chez les blessés de guerre, et qu'il y a encore beaucoup de recherches qui sont nécessaires, non seulement sur la réparation, mais également aussi sur les modèles de pharmacologie, puisque la peau, c'est aussi une voie de capacité de permettre de distribuer des médicaments très particuliers dans l'organisme. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut développer. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. J'aimerais juste, pour conclure cette première partie un peu introductive, un mot, est-ce que vous avez le sentiment, l'une et l'autre, aujourd'hui, que nous sommes plus attentifs, que l'on connaît mieux, évidemment, grâce à la recherche, cet organe qu'est la peau, mais que, collectivement, nous y prenons plus attention, nous en prenons mieux soin que ça n'était le cas il y a encore 10, 15 ou 20 ans, Martine Magot. Bah certainement, il y a un développement aussi de la cosmétologie, surtout en France. Nous avons une industrie cosmétologique extrêmement performante et tout le monde, les femmes depuis longtemps s'intéressent à la cosmétologie, à l'entretien de la peau. Les hommes commencent. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, les hommes aussi s'intéressent. Et c'est vrai que cette hydratation de la peau, correction des déficits de la fonction barrière joue aussi un rôle dans la diminution du vieillissement cutané. L'hydratation, peut-être aussi l'attention au soleil, la protection contre le soleil à laquelle on est plus vigilant aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 10, 15 ou 20 ans, Marielle Trichard. Oui, bien sûr, c'est un élément très important, non seulement parce que c'est une action indispensable à la prévention des cancers de la peau, mais également aussi dans le phénomène du vieillissement cutané en général, qui est pour grande partie non seulement physiologique, donc c'est notre horloge biologique, mais est largement influencée par les expositions solaires. Et bien entendu, l'addition se paye tard, elle se paye cher, et le vieillissement solaire est très particulier. Il est assez facile pour les dermatologues de le reconnaître parce qu'il a une sémiologie propre qui nous permet très vite d'identifier les gens qui ont pris un petit peu trop de leur dos, si je puis me permettre de parler comme ça. Martin. Il y a des taches particulières, il y a des rides particulières, il y a une peau qui est très épaisse, qui est dite souvent rhomboïdale. Et ça s'associe d'ailleurs à des lésions histologiques tout à fait spécifiques qu'on va retrouver lorsqu'on fait des biopsies cutanées avec des dépôts dans le derme très particuliers qu'on appelle l'élastose solaire, qui permettent véritablement de prouver qu'il y a eu chez certaines personnes un excès d'exposition par rapport aux capacités naturelles de réparation et de restauration de l'ADN justement en phase des expositions. Martine Magot. Oui, alors effectivement, les rayons ultraviolets ont la capacité d'induire, d'abîmer notre ADN, l'ADN des cellules, de causer des défauts, des altérations de l'ADN, et il faut réparer ces altérations de l'ADN. Alors, les enfants de la Lune, dont vous avez parlé, justement, ont des déficits génétiques en réparation de ces altérations de l'ADN. C'est pour ça que chez eux, les tumeurs surviennent beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus importante. Alors, vis-à-vis du Soleil, nous ne sommes pas égaux. C'est-à-dire qu'il y a un protecteur naturel de notre ADN qui est la mélanine, qui est fabriquée par les mélanocytes. Et cette mélanine, à partir des mélanocytes, va dans les kératinocytes au-dessus du noyau des cellules pour nous protéger des UV. Alors, les personnes qui ont la peau plus pigmentée ont une capacité de s'adapter, de fabriquer de la mélanine pour protéger le noyau de leurs cellules, alors que les personnes qui ont la peau blanche, et à la limite, les personnes qui ont une peau très laiteuse, comme les personnes qui ont les cheveux roux, souvent, ne peuvent pas, constitutionnellement, fabriquer cette mélanine. Alors, en fait, la notion d'exposition solaire dépend et très variable en fonction de ce qu'on appelle le phototype, c'est-à-dire la couleur de la peau. Nous sommes différents, il faut adapter notre exposition solaire à notre phototype. Il n'y a pas une règle qui est la même pour tout le monde. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons dans la méthode scientifique du jour de notre peau. Nous en parlons avec Martine Bagot ici à Paris et Marielette Richard qui est avec nous en duplex depuis les locaux de France Bleu Provence à Aix. Peut-être redire en quelques mots, redéfinir un peu ce qu'est la peau. On a l'impression que c'est un tissu assez simple, c'est tout l'inverse, Marielette Richard. C'est un tissu extrêmement complexe. On peut rappeler en quelques mots comment est constitué ce tissu, les trois couches qui le constituent et qui ont des fonctions très distinctes. Tout à fait. Eh ben, si on fait un petit voyage de l'extérieur vers l'intérieur, la partie la plus superficielle de la peau s'appelle l'épiderme. Elle est constituée principalement donc de cellules kératinocytaires. C'est celles qui sont à l'origine justement de, on va dire, la solidité de la peau. Elles sont aussi constituées d'autres cellules, comme justement des cellules impliquées dans les mécanismes inflammatoires, les cellules de Langerhans, les mélanocytes bien entendu, puisque c'est eux qui fabriquent la mélanine qui nous protège. Du soleil. La deuxième couche, c'est le derme. Le derme est un élément très important qui globalement peut se décrire comme étant une substance fondamentale dans laquelle baignent des fibres de collagène, des fibres d'élastine, et avec quelques cellules qui sont globalement des fibroblastes et des cellules immunitaires qui permettent la reconstitution et le turnover de ce système dermique. Le derme, on peut le définir comme quelque chose qui est à la fois compressible, élastique, extensible. Le meilleur modèle, c'est la grossesse, qui montre bien les capacités magnifiques de la peau à non seulement s'étendre, mais également à reprendre sa position anatomique, sa position physiologique, une fois que la naissance a eu lieu. Ce derme, il est très important aussi, puisque c'est finalement le carrefour nutritionnel de la peau, puisque c'est là qu'aboutissent toute la circulation vasculaire, qui va non seulement permettre la nutrition de l'épiderme qui est dépourvue de structures vasculaires, mais également qui est le centre névralgique névralgique avec l'hypoderme, qui est la troisième couche, de la régulation thermique, qui est une autre propriété de la peau majeure, puisque la gestion de la régulation thermique se fait aussi par la peau. La troisième couche, qui est l'hypoderme, c'est du gras, c'est un lieu de stockage de l'énergie, mais c'est aussi une fabuleuse usine à produire un certain nombre de molécules, comme des hormones, comme des cytokines inflammatoires, et c'est aussi un pare-choc, puisque c'est lui qui donne la plastique de notre corps, ça amortit les chocs. Donc vous voyez des origines embryologiques totalement différentes, des couches totalement différentes et qui s'accrochent bien les unes aux autres avec une interface très importante qui est ce qu'on appelle la jonction dermoépidermique. Cette zone, qui est une zone moléculaire particulièrement complexe, va en fait assurer l'ancrage de l'épiderme au derme. Deux structures tissulaires totalement différentes qui, par définition, ne devraient pas se coller l'une à l'autre. C'est possible grâce à cette structure moléculaire qui est faite d'un certain nombre de filaments, de fibrilles d'ancrage. Ce sont des structures protéiques très complexes qui permettent, comme des haubans sur des bateaux, des grands câbles qui sont tendus entre ces deux structures cellulaires, de permettre de les attacher de façon très solide. Le décollement par la jonction dermoépidermique aboutit à la formation des bulles ou à la formation, par exemple, des ampoules lorsqu'on a une paire de chaussures qui est trop neuve et qui nous irrite. Cette zone est très riche aussi en protéines et en gènes qui sont à l'origine d'un grand nombre de pathologies. C'est le modèle de la connaissance de maladies bulleuses auto-immunes. C'est le modèle aussi d'un certain nombre d'anomalies génétiques dans le cas des épidermolyses bulleuses, qui regroupe un grand nombre de pathologies pour lesquelles la recherche se développe beaucoup, avec probablement très rapidement, voire même déjà des projets thérapeutiques en place, de thérapies géniques pour substituer des gènes défaillants assez spécifiques de certaines de ces pathologies génétiques qui peuvent être létales, puisque les grandes épidermolyses bulleuses, les plus sévères, aboutissent à des morts très précoces du fait de la fragilité cutanée, de la non-cohésion de la peau et du fait que spontanément, ces structures épidermiques et dermiques se séparent l'une de l'autre parce qu'elles ne peuvent pas, rester attachées et accolées les unes aux autres. On reviendra plus spécifiquement sur les pathologies et tout le travail, la recherche en dermatologie dans la deuxième partie de cette émission. Martine Bagot, pour compléter un peu cette description déjà très complète, on oublie rien du tout, parce qu'on va essayer de faire le tour quand même, que, comme le disait tout à l'heure Marie-Alette Richard, la peau est aussi, et peut-être même avant tout, un organe relationnel, communicationnel, qui est très innervé, qui est notre contact avec le monde, qui nous envoie en permanence des informations sur l'état du monde extérieur, et qui nous permet d'interagir avec lui. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau est l'organe le plus lourd du corps humain. Donc, on ne le sait pas toujours. C'est extrêmement important. C'est vraiment l'organe qui nous permet d'interagir avec tout notre environnement. Et environ 3 à 5 kilos pour un adulte. Oui, oui, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. On rapporte au poids du corps. 2000 milliards de cellules. 2000 milliards. On sait, avant, on pensait qu'il n'y avait pas de nerfs dans l'épiderme, que l'innervation s'arrêtait au niveau de la jonction dermoépidermique. Maintenant, on sait qu'il y a des toutes petites fibres et que ces petites fibres au niveau de qui vont jusque dans l'épiderme jouent un rôle extrêmement important pour justement toutes nos connexions avec le milieu extérieur. Alors il y a aussi des différents, comme on l'a dit dans l'exposition, plusieurs types de corpuscules qui sont adaptés à différents types de sensations. Donc un organe extrêmement riche en ce type de corpuscules, dont la densité d'ailleurs dépend de lieu de la peau. Il y a beaucoup plus de corpuscules sur certaines zones, en particulier les pulpes des doigts, que sur d'autres zones, puisque c'est plus ou moins sensible. Voilà, oui, bien absolument, sûr. C'est plus ou moins sensible. Et donc par définition, effectivement, la peau est extrêmement importante pour toutes nos relations avec le monde extérieur. Alors, il y a une sensation qui est particulière à la peau, c'est la démangeaison. Quand en français, en terme médical, on appelle ça le prurite. Et quand ça gratte, quoi. Voilà, il y a aussi des fibres qui sont spécialisées dans la conduction de cette information à type de prurite. Et en fait, on a des informations extrêmement spécifiques, variables, qui arrivent au niveau du cerveau pour parfaitement avoir une perception extrêmement fine de nos relations avec le monde extérieur. Et de nos relations également avec la nature, de la température, de l'air, de sa sécheresse, de l'humidité. Bien évidemment. La peau nous renvoie en permanence ces informations-là. Et la peau dispose de différents types de glandes sudorales, des glandes sudorales écrines qui sont présentes sur tout le corps, qui servent à réguler la température de la peau, et puis des glandes sudorales apocrines qui sont présentes seulement dans certaines zones, les zones au niveau des aisselles, au niveau des glandes génitales, qui jouent aussi un rôle au niveau des émotions, des transmissions de messages avec nos autres humains, voilà, les autres humains, tout à fait. Et donc, vous voyez que c'est un organe extrêmement riche et extrêmement bien adapté à ces missions de barrière, interface entre notre corps et le monde extérieur. Marie-Alette Richard, pour continuer à faire un peu le tour, alors comme ça, de cet organe et de sa grande complexité, peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette notion d'interface extrêmement importante, ce sens du toucher qui est un sens un peu le plus mal aimé de tous, celui qu'on évoque le moins et qui est pourtant tellement essentiel à notre survie, à notre évolution dans le monde. Mais il n'est pas que des plaisants. Je pense qu'on a tous des sensations très agréables quand on caresse une peau qui est douce, qui est bien entretenue, et qu'à l'inverse, on a quelquefois une petite réticence à sentir un petit peu, on va dire, du papier vert sous la peau. Donc, il faut l'entretenir, bien entendu. Et donc, je pense que cet organe relationnel à part entière est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut choyer. Et sur cette fonction également de régulation de la température, parce que là c'est vrai qu'on parle de la peau humaine, mais la plupart des animaux ont également une peau et elle est plus ou moins poilue, plus ou moins plumée. Enfin aujourd'hui, que peut-on dire sur cette fonction de la régulation de la température de nos peaux à nous de grands primates évolués et un peu dépoilés, il faut dire. Ben, elle permet d'assurer ce qu'on appelle l'homéostasie, la température corporelle qui est maintenue à 37 degrés. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de la peau et de ces multiples petits émonctoires, ces multiples pores qui sont à la surface de la peau, par lesquels sortent les petits canaux des glandes sudoripares, mais également par les orifices pilaires. Et on s'aperçoit qu'il y a globalement une véritable fonction d'échangeur thermique qu'on peut associer aux capacités cutanée, avec un mécanisme qui est très intelligent parce que les glandes sudorales sont capables de sortir la chaleur vers l'extérieur, mais comme un petit alambic, si vous voulez, comme une petite pompe à chaleur, mais en même temps de récupérer l'eau qui est condensée par capillarité à travers un système de petits microtubules dans les glandes sudoripares qui est très important. On a une perte insensible en eau qui est très faible, mais la transpiration qui est donc associée à cette régulation thermique est d'environ pratiquement un demi-litre par jour. Donc c'est quelque chose de colossal et à l'inverse, la peau nous aide aussi à nous défendre contre le froid. Quand on a la chair de poule, ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle l'horripilation, c'est-à-dire que chaque petit muscle arrecteur, qui est un petit muscle qui est accroché à chaque appareil pilosébacé, va se contracter, va donc contracter le poil, va lui donner un petit peu plus rigide sur la peau. Et c'est ce qu'on appelle donc cette horripilation qui, par la contraction musculaire, petit poil par petit poil permet la production de petites quantités, mais qui se multiplient, de calories qui permettent de lutter partiellement contre le froid. Donc cette chair de poule, elle a aussi un rôle physiologique qui est amusant de connaître. Et alors, et comment est-ce qu'on le lie justement aux émotions? C'est parce que on va voir que la peau est particulièrement liée à nos émotions, notamment dans un certain nombre de pathologies qui sont très liées à nos états de fatigue ou de stress. Mais comment est-ce qu'on peut lier justement cette horripilation, cette chair de poule, par exemple quand on entend un morceau de musique ou quand on est avec une personne qui nous procure une certaine émotion? Pourquoi est-ce qu'on a la chair de poule? C'est expliqué ça, Marie-Alette Richard? Oh, je pense que c'est par l'intermédiaire des innervations sympathiques et parasympathiques, c'est-à-dire que c'est le système neurovégétatif qui commande nos grandes fonctions internes, donc qui sont un petit peu nos sensations qu'on a du mal à contrôler, puisque par définition elles sont automatiques, qui vont avoir aussi un rôle par l'intermédiaire de certains neurotransmetteurs dans la peau pour arriver à ces mécanismes de contraction. Et de la même façon, notre transpiration excessive lors de certains stress, elle est régulée par ces systèmes neurovégétatifs qui sont quelquefois des cibles thérapeutiques parce que l'hyperhidrose, les transpirations excessives sont aussi des problèmes pathologiques qui concernent beaucoup de monde et qui sont parfois très gênants. Donc il y a une interaction manifeste entre l'organe peau et donc le système de régulation interne de l'organisme en général qui non seulement contrôle la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, mais aussi donc de nombreuses implications sur la physiologie cutanée. Martine Magot. Alors, on pourrait parler du système pileux, puisqu'on n'en a pas encore parlé, en particulier des cheveux. Les cheveux qui sont une partie extrêmement complémentaire de notre peau, qui permettent d'avoir un côté esthétique très, très intéressant, protection. On sait que les gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux disent bien que la lutte contre le froid est extrêmement importante. Les cheveux sont très importants, la lutte contre le froid. Alors, ce système du cuir chevelu est là encore un système extrêmement bien régulier, très régulé, très performant, avec des follicules pileux qui produisent en permanence des des cellules qui sont avec des cellules souches qui renourrissent en permanence ce cheveu, qui produit de la kératine ensuite qui se développe petit à petit. Et il y a tout un cycle pilaire extrêmement précis avec des papilles qui produisent des cellules, des cheveux qui poussent. Et puis au bout d'un certain temps, c'est ce qu'on appelle la phase anagène. Et puis au bout d'un certain temps, le cheveu entre dans une phase télogène, c'est-à-dire qu'il naturellement, il involue, il disparaît, et une nouvelle phase anagène apparaît. Donc là encore, le cuir chevelu, le système pilo au niveau du cuir chevelu est une petite merveille de régulation de toutes ces interactions entre les cellules du bulbe pilaire et la production de kératine de manière parfaitement adaptée. Ce qui est intéressant, c'est que cette production de kératine, elle vient des cellules qui sont les kératinocytes. Et donc, en fait, les cellules des kératinocytes, quel est le lien justement entre la production? Pourquoi est-ce que toute notre peau, d'ailleurs, est-ce que toute notre peau produit des cheveux ou des poils? Alors non, il y a des poils. Alors il faut pas. Il y a les kératinocytes de la zone du follicule pileux qui produisent de la kératine, qui produisent du poil, des cheveux, et puis les kératinocytes interfolliculaires qui eux produisent de la kératine, mais différents, des filaments, nos filaments qui sont dans les cellules et qui n'ont pas vocation à donner des structures aussi finalisées, abouties que les cheveux et les poils. Marie-Alette Richard, sur cette production pileuse de la peau. Ben juste le clin d'œil de rappeler qu'on n'a pas de poils dans les mains, parce qu'il n'y a pas de glande. Pas de glande pilaire au niveau des paumes et des plantes, donc il y a quelquefois des expressions qu'il faut revoir quand on veut être un petit peu scientifique, et que cette pilosité, là encore, elle est très différente suivant les individus, qu'elle dépend aussi bien entendu d'influences hormonales, en particulier les androgènes ou les hormones mâles plus largement, et que la kératine se revient à la kératine, c'est en fait une protéine de structure extrêmement rigide, elle donne d'un côté le cheveu et elle donne à l'épiderme sa rigidité, sa solidité et cette espèce de carapace qui nous permet de nous défendre contre les méchantes choses de l'environnement. Sur les kératinocytes qui, en migrant vers la surface, donnent la couche cornée qui peut devenir épaisse, oui, à certains endroits du corps. Tout à fait. Ce sont tout ces à cellules-là. Fait, la couche cornée. Ben, l'épaisseur de la peau, elle varie suivant les territoires anatomiques. Hein. C'est ça. Elle peut être multipliée par 4. La peau des paupières est la plus fragile. La peau des paumes et des plantes, puisque ce sont des éléments relationnels, est la plus épaisse. Et c'est très facile sur des coupes histologiques, lorsqu'on fait un prélèvement et qu'on regarde une biopsie de peau, et on peut tout à fait identifier lorsque le prélèvement a été fait sur une paume ou une plante, puisque la couche cornée est par définition extrêmement importante, puisqu'elle nous protège. Et ce qui est très particulier à la couche cornée, c'est que c'est donc l'aboutissement de la différation des kératinocytes, et que ces kératinocytes partent de la cisse basale de l'épiderme, ce sont des cellules un petit peu souches qui se renouvellent, se multiplient. Le cycle d'un kératinocyte, c'est 24 jours, 28 jours, donc à peu près 4 semaines, et pendant cette période, le kératinocyte va migrer de la base de l'épiderme, de l'assise basale, de la jonction dermo-épidermique vers la surface. Et au fur et à mesure, il va s'hyperdifférencier en devenant morphologiquement, en passant d'une cellule cubique à une cellule qui est complètement rondée, aplatie, en passant par une étape intermédiaire de structure un petit peu stellaire, étoilée, puisqu'elle va avoir des connexions très importantes avec ses voisines. Et de la même manière, au fur et à mesure, la kératine change dans sa composition et surtout les kératinocytes perdent leur noyau. Et les noyaux partent, qui sont présents dans la couche cornée, disparaissent complètement, pardon, qui sont présents dans l'assise basale de l'épiderme, disparaissent dans la couche totalement cornée. Totalement absents dans la couche cornée, par définition. C'est pour ça qu'on parle de peau morte. Oui, et c'est en fait un moyen aussi de... C'est un véritable tapis roulant. Mmh. La partie superficielle de l'épiderme, c'est effectivement ça. C'est un renouvellement cellulaire qui se fait par ce qu'on peut appeler, oui, la peau morte, pourquoi pas. Mais c'est une fonction de protection. C'est pas pour rien que nos kératinocytes perdent leur noyau. C'est l'étape extrême de l'hyperdifférenciation cellulaire. Parce que ça correspond à la structure qui est la plus solide, finalement. C'est-à-dire que tout notre épiderme, Martine Bagot, tout notre épiderme se renouvelle en cycle, en 3 semaines, 4 semaines, 20, intégralement. 28 jours. 28 jours. Alors, de la peau du front à la peau du bout des doigts de pied. Oui, au niveau des les cellules souches se différencient en 2 cellules. Une cellule qui reste, qui est le réservoir, et puis une cellule qui va migrer vers l'épiderme en se différenciant progressivement et qui va assurer l'homéostasie de l'épiderme, l'homéostasie cutanée. Et dans certaines maladies, comme le psoriasis par exemple, ce renouvellement est extrêmement accéléré, il y a un turnover très accéléré, et ça aboutit au fait que les cellules migrent extrêmement rapidement vers la couche cornée et n'ont pas le temps de perdre leur noyau. Et donc, ça, c'est une des caractéristiques de cette maladie, que les cellules de la couche cornée gardent leur noyau. White as parchment, drier than a downtown office building, where the air is tight. This time spent resting on our bones, waiting for the telephones to ring. Ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring. My skin is cold as a toes on a bathroom floor. Run back to bed and slam the door. I want a love lesson. Oh, I would shake the ground. I want a love lesson. Printed on every t-shirt in this land, on the finest of cottons and the hippest of brands, and bold the letters down. The capital R, the it's the only thing, it's the only thing, it's the only lonely. White as parchment, driving a downtown office building, where the air is tight. This time spent waiting for that macrame butter prey to calm down and sing. La ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling, la ling. What a lovely sound! Oh, I would chase the ground. Oh, what a lovely sound! Skin is my d'Andrew Bird sur France Culture à 16h40, puisque nous parlons de la peau tout au long de cette heure en compagnie de Martine Bagot, qui est chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis, et avec Marie-Hélène Richard, qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Provence et qui est dermatologue au sein de l'unité dermatologie, vénéréologie et cancérologie cutanée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors maintenant que nous avons fait une connaissance relativement large, même si on pourrait la compléter encore pendant longtemps avec notre peau, quelques mots sur ces dysfonctionnements, avec déjà cette information qui est que le spécialiste le plus consulté en France, Martine Bagot, c'est le dermatologue. Eh bien oui, ça n'est pas surprenant parce que la peau est un organe qui se voit. Et donc, si on fait une enquête, on se rend compte que un tiers à un cinquième de nos compatriotes ont consulté un dermatologue au cours des précédents mois. Donc, c'est extrêmement. Là, ça montre la fréquence des maladies cutanées. Alors. Oui, Marie-Hélène Trichard. Je peux compléter peut-être, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, on a des données très récentes et très objectives, justement, des besoins en consultation dermatologie, puisque la Société française de dermatologie avait mis en place une étude épidémiologique qui avait concerné plus de 20 000 Français adultes, tout à fait représentative de la population française. Et les chiffres sont assez importants, puisque 31% des adultes déclare avoir eu au moins un problème cutané au cours de l'année précédente. 20% d'entre eux ont consulté un dermatologue dans l'année qui précède, là encore uniquement des adultes. Et ces consultations ne sont pas du tout motivées, comme on pourrait le penser, par des demandes esthétiques ou cosmétologiques. Ça ne représente que 10% des consultations. Dans la majorité des cas, la demande représente de véritables besoins de soins, de dépistage ou de traitement, puisqu'il y a beaucoup de petites lésions à enlever, à retirer ou éventuellement à brûler. Donc le dermatologue est le spécialiste en France qui est le plus consulté. On s'aperçoit que la demande est plus importante même que le cardiologue ou l'ophtalmologue. Donc il y a véritablement beaucoup de travail pour la suite de nos missions et malheureusement avoir à gérer un problème de démographie médicale qui commence à être de plus en plus prégnant. Oui, il y a beaucoup de pathologies cutanées, on en recense jusqu'à 6000. Quelles sont les principales, Marie-Hélène Richard, aujourd'hui, pour lesquelles les personnes viennent consulter en dermatologie? Oui. Là encore, on a des données de prévalence qui nous par cette étude qui nous permet d'avoir des chiffres très précis, puisque plus de 9 millions de Français sont concernés par 12 problèmes de peau. Le premier, c'est l'acné, avec plus de 3 300 000 personnes adultes qui déclarent avoir de l'acné. C'est donc des adultes, c'est même pas les adolescents ou les enfants. Plus de 2 400 000 sont concernés par des problèmes d'eczéma ou d'eczéma atopique, de dermatite atopique, une dermatose inflammatoire sur laquelle on pourra revenir. 2 300 000 souffrent de psoriasis. Problèmes de cuir chevelu pour 2 millions de Français aussi. La liste se complète par des pathologies des ongles, les taches, les verrues, les herpès, les allergies solaires, les grains de beauté suspects. Donc, vous le voyez, une forte prévalence des problèmes de peau dans la population, qui n'est pas que française, bien entendu. Est-ce qu'il y a un point commun à ce qu'on appelle, ce qu'on a pu entendre tout à l'heure dans le reportage, comme étant une peau pathologique, Martine Bagot? Alors, une peau pathologique, il y a différents types de pathologies quand même, parce qu'il y a on a parlé des génodermatoses, des déficits extrêmement important en certaines structures de la peau, et puis il y a des dermatoses plus inflammatoires. Alors après, il ne faut pas opposer les deux, parce que si on prend l'exemple de la dermatite atopique, de l'eczéma atopique, il y a une composante génétique, c'est-à-dire souvent dans les enfants ou dans les familles, il y a des personnes qui ont d'autres, des frères et sœurs, des cousins, des parents, des enfants qui ont de la dermatite atopique, du rhume des foins, de l'asthme, donc il y a un terrain lié à, comme on dit que c'est une maladie polygénique, il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués. Dermatite atopique, c'est vraiment une forme particulière d'eczéma qui est la plus courante, c'est ça? Alors, c'est différent, on différencie l'eczéma de contact, qui est un eczéma dû, on développe une sensibilisation à un allergène particulier qui est rencontré au niveau de la peau, donc il suffit de ne plus rencontrer cette substance et puis on a plus d'eczéma, alors que la dermatite atopique, c'est un eczéma constitutionnel, c'est-à-dire on ne peut pas changer ces gènes, donc il va falloir gérer la maladie tout au long de la vie. Alors, cette dermatite atopique est liée en partie, il y a une composante génétique, il y a des anomalies de la fonction barrière. La fonction barrière ne joue plus son rôle, il y a des anomalies structurelles au niveau de l'épiderme. Et ces anomalies de la fonction barrière sont responsables d'inflammation. Des allergènes, des toxiques peuvent pénétrer au niveau de la peau et induire des réactions inflammatoires très chroniques. Ça se voit chez le petit enfant à partir de 3 mois. Souvent, cette maladie va mieux chez le grand enfant, mais on voit une augmentation très importante de la fréquence de la dermatite atopique chez l'enfant, mais également chez l'adulte. Et certains adultes présentent une forme très sévère avec une peau très réactive, très inflammatoire, qui est source d'altération de la qualité de vie majeure et d'altération au niveau de la charge du travail, au niveau des relations avec les autres personnes. Donc, des maladies qui sont extrêmement invalidantes. Marie-Hélène Richard, sur ces maladies, oui, sur ces principales maladies que vous avez listées en consultation dermatologique. Je pense que si on revient sur le modèle de la dermatite atopique, elle représente bien un petit peu tous les différents aspects des problèmes qu'on a à gérer, à savoir des patients qui se plaignent d'un prurite. On a parlé du prurite tout à l'heure, mais là, c'est le modèle type de la personne qui va se démanger jour et nuit, qui va avoir un sommeil qui est totalement perturbé, qui vous raconte que quelquefois ils n'ont jamais eu une nuit de sommeil complète, qui ont une peau qui est tellement inflammatoire qu'elle suinte, qu'elle tache les vêtements, qu'ils sont obligés de se prendre du temps pour des soins toute la journée. Bien entendu, il y a une certaine lassitude qui peut s'installer aussi. Cette inflammation cutanée, elle est source d'inadaptation à la chaleur, d'inadaptation au froid. Elle est source, bien entendu, de gêne vis-à-vis du travail, puisque vous vous retrouvez tout rouge, une fatigue pour le travail, des soins qui sont particulièrement lourds. Et je dirais quand même que malgré tout, face à ces pathologies inflammatoires qui occupent beaucoup de notre champ de spécialité et probablement beaucoup plus spécifiquement que les verrues, l'acné, qui peuvent être tout à fait partagées pour certaines de ces besoins par les médecins généralistes, les dermatoses inflammatoires nous occupent beaucoup, et on a beaucoup de chance puisque se sont développés beaucoup de traitements depuis quelques années. Les traitements immunologiques, les traitements par biothérapie ont révolutionné littéralement certains aspects, en tout cas les plus sévères de ces pathologies, que ce soit le psoriasis, que ce soit l'eczéma, et à l'autre bout du spectre, les cancers cutanés. Puisque ces nouveaux concepts de prise en charge finalement des pathologies, non pas simplement par des dermocorticoïdes ou par des traitements anti-inflammatoires, mais véritablement par des traitements qui vont cibler les anomalies biologiques, moléculaires, biochimiques qui sont impliqués ou qui sont au déterminisme de ces pathologies, nous apportent énormément et surtout apportent aux patients. Donc on est face à des progrès thérapeutiques, des paradigmes dans le développement moléculaire qui sont fascinants. Il y a aussi une particularité de ces maladies dermatologiques. Il y a ces formes que vous décrivez, que l'on connaît bien, dont on connaît effectivement des origines génétiques héréditaires. Et puis il y a aussi ces maladies qui sont très liées à des états émotionnels, à des états de fatigue, à des modifications ou à des troubles de l'humeur, et aujourd'hui qui sont parfois en échec thérapeutique. Aujourd'hui, que sait-on de ces formes de maladies, d'eczéma, de psoriasis, qui seraient liées plus à des conditions exogènes qu'endogènes, Martine Bagot? Alors, il y a toujours une aggravation des pathologies préexistantes, le dermatite atopique, l'eczéma. Ce sont des vraies maladies, ce ne sont pas des maladies uniquement psychosomatiques, mais ce sont des maladies qui sont aggravées effectivement par tout ce qui est émotion, stress lié au professionnel, stress lié à des situations familiales. Donc ces maladies, cette composante émotionnelle aggrave les choses, mais ce sont des maladies quand même, il est extrêmement important, on a vu qu'avec la recherche, avec la mise en évidence de substances, de cytokines qui sont sécrétées dans ces maladies, si on développe des biothérapies dirigées contre ces cytokines très particulières, on se rend compte que finalement ces problèmes psycho-affectifs sont beaucoup moins importants. Les biothérapies qui consistent en quoi en l'occurrence? Alors ce sont des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre des substances bien particulières, par exemple dans le psoriasis contre l'IL-23 ou contre l'IL-17, dans la dermatite atopique contre le récepteur de l'interleukine 4 et de l'interleukine 13. Et ce sont des cibles qui ont été mises en évidence par la recherche, et ces anticorps monoclonaux permettre que ces substances ne soient pas produites. Ça permet de moduler la réaction immunologique au niveau de la peau. Et donc c'est de réduire l'inflammation. De réduire l'inflammation, de s'adapter de manière très ciblée, de diminuer de manière extrêmement ciblée ces réactions pathologiques, ces excès de production de cytokines. Et ce sont des produits très puissants qui, même chez des patients qui étaient dans un cercle très négatif, une spirale négative de chronicisation de leurs lésions, et tout, finalement, avec ces nouveaux anticorps, on arrive à casser ce cercle vicieux et à remettre les personnes dans une vie beaucoup plus normale. Je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée à l'immunothérapie et aux anticorps monoclonaux. On avait passé une heure complète à expliquer tous ces mécanismes assez passionnants de la recherche en immunothérapie. Peut-être un mot, Marie-Alette Richard, également aujourd'hui, sur la recherche dermatologique autour des cancers de la peau, dont le nombre a littéralement explosé. Hein. Il a été multiplié par 3 entre 1980 et 2012. Alors quand on pense cancer de la peau, on a tout de suite un peu peur parce qu'on pense mélanome. Or, les mélanomes sont loin d'être la majeure partie des cancers aujourd'hui de la peau. Tout à fait. Alors, les cancers de la peau, déjà, sont les cancers les plus fréquents de l'organisme. Ça, faut pas l'oublier. Les cancers les plus fréquents sur la peau sont les carcinomes, c'est-à-dire des tumeurs développées aux dépens des cellules le plus souvent épithéliales. Et dans la majorité des cas, les carcinomes, qu'ils soient épidermoïdes ou basocellulaires, sont des lésions qu'on arrive à gérer relativement facilement par un diagnostic précoce et une exérèse chirurgicale. Il y a des carcinomes qui métastasent, donc qui peuvent poser des problèmes à la fois thérapeutiques et également pronostiques, mais 80-90% des cas sont gérés simplement par un dépistage et par une chirurgie. Donc il y a presque plus un coût pour la société, puisque du fait de l'augmentation non seulement de nos expositions solaires, mais aussi du fait que la population vieillit, tout un chacun fera dans sa carrière, je suis persuadée, au moins un ou deux carcinomes, mais c'est pas pour autant qu'on va réduire l'espérance de vie. Les autres cancers, bien entendu, c'est le mélanome qui est celui qui a potentiellement le plus de risques de poser problème. Et moi, je dis toujours à mes patients qu'on guérit 80% des mélanomes. 20% d'entre eux peuvent exposer à des situations qui sont dramatiques, qui peuvent aboutir à une progression métastatique et au décès. Mais là encore, on va dire que le concept a totalement changé dans la prise en charge de ces pathologies au stade métastatique et peut-être même dans certaines situations où on sait que le risque métastatique est important, notamment dans le mélanome, à développement de stratégies adjuvantes, c'est-à-dire la prévention d'un risque éventuel de récidive par la suite, avec le développement d'immunothérapie. Dans cette situation-là, on n'est pas face à des traitements qui sont des traitements et qui vont être de la cytotoxicité, c'est-à-dire qu'on ne va pas détruire des cellules. On va jouer simplement sur l'immunité antitumorale et on va demander au système immunitaire de l'individu d'être suffisamment performant et actif pour pouvoir détruire les quelques cellules cancéreuses résiduelles qu'il y aurait pour éviter une récidive ou une progression de la maladie. Le mélanome qui touche, les mélanocytes, donc, qui sont ces molécules qui permettent de réguler la couleur de la peau en fonction d'exposition au soleil. Absolument, mais tous les mélanomes ne sont pas liés au soleil. Je pense que c'est un message très important. Dans la famille des mélanomes, vous avez d'authentiques mélanomes qui sont liés au soleil, à des surexpositions solaires. C'est des mélanomes qu'on va voir souvent chez des sujets âgés, qui ont été beaucoup exposés par leur profession, les maçons, les agriculteurs, les marins. Et à côté de ça, vous avez des mélanomes qui surviennent chez des sujets jeunes, souvent avec des peaux très claires, qui par définition ne peuvent même pas s'exposer au soleil parce qu'ils ne le supportent pas. Et dans ces situations-là, on a des anomalies génétiques, on a des prédispositions à faire des mélanomes qui la renvoient encore à des déficits probablement de systèmes de programmation cellulaire qui aboutissent à, on va dire, au dérapage de certains mélanocytes qui vont produire des cellules tumorales parce qu'il y a des gènes derrière qui favorisent la multiplication des mélanocytes et ces personnes-là sont souvent celles qui ont le plus de grains de beauté. Et la difficulté est de repérer les personnes à risque qui ont non seulement beaucoup de grains de beauté mais au milieu de ça peuvent tout à fait avoir aussi un mélanome qu'il est parfois très difficile de distinguer et d'identifier par rapport à tous ces grains de beauté. Et il y a même des mélanomes muqueux ou des mélanomes de la plante des pieds ou des ongles. Comment voulez-vous faire le lien entre l'exposition solaire et quelque chose que vous avez dans la muqueuse nasale, dans la région génitale ou éventuellement sur la plante des pieds? Donc on va dire qu'il faut démembrer cette notion de mélanome en probablement plusieurs cancers qui sont différents, qui ont simplement comme lien commun le fait que c'est une même cellule qui est à leur origine. Et avec des thérapeutiques totalement différentes. Probablement, les cibles thérapeutiques ne sont pas les mêmes suivant ces différentes maladies. Martine Bagou, vous diriez qu'aujourd'hui, en matière de prévention, de prophylaxie, les gens sont plus sensibilisés justement à des check-up complets chez le dermatologue pour identifier ces petits débuts, que ce soit des carcinomes ou des mélanomes. Oui, je pense que les gens savent qu'il faut effectivement consulter régulièrement son dermatologue. Il faut faire attention aux expositions solaires. Et puis, on n'a pas parlé encore des développements de l'intelligence artificielle. J'allais y venir. Donc, je vous laisse y aller, justement pour l'aide au diagnostic. Tout à fait, pour l'aide au diagnostic. Et on va vivre une période extrêmement fascinante. On sait que un ordinateur peut apprendre avec... Si on lui fournit de très nombreux documents de tumeurs cutanées, un ordinateur peut apprendre à aider dans les algorithmes de décision pour tumeurs bénignes ou plutôt malignes. Et donc, loin d'être une menace pour les dermatologues, c'est au contraire une période fantastique puisque ça va les aider à cibler les patients qui vraiment ont besoin de voir un dermatologue. Et il y a même en Australie des développements d'imagerie en trois dimensions avec le développement des techniques d'intelligence artificielle. Donc, ça correspond vraiment à un besoin, puisque vous savez que le dépistage du mélanome reste un problème extrêmement important. Et les dermatologues vont vivre une période extrêmement enthousiasmante d'aide au diagnostic. Voilà. Il y a effectivement une étude qui est de mai dernier. C'est une équipe allemande, française et américaine qui ont mis à l'épreuve un système d'intelligence artificielle de détection de mélanome en renseignant en tout cas la base de plus de 100 000 images et qui aboutissait à un taux de diagnostic très très très élevé, autour de 95%, ce qui est effectivement une vraie aide au diagnostic. Un mot justement sur l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'aide au diagnostic du mélanome, Marie-Alette Richard. Mais je pense que ça va effectivement sélectionner les vrais patients qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va dépasser le stade du dépistage et du screening qui est quelque chose qui est un petit peu compliqué dans la mesure où très souvent quand même les gens qui viennent nous voir sont ceux qui ne devraient pas venir parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont simplement inquiets et que le véritable message c'est d'arriver à faire comprendre aux vraies bonnes personnes à risque qu'elles doivent se faire dépister, quelle qu'en soit la technique, que ce soit d'aller voir un dermatologue ou de passer devant un ordinateur. Je pense qu'au contraire c'est tout à fait passionnant, une véritable aide pour nous pour pouvoir identifier les bonnes personnes personnes qui après devront de toute façon être prises en charge par les dermatologues au point de vue du traitement, puisque ça restera une exérèse chirurgicale, une confirmation histologique d'un diagnostic et puis après une décision thérapeutique qui dépendra justement des données de l'analyse de la tumeur. Donc oui, je pense que ça va être quelque chose qui va rendre encore plus légitime notre position et nos fonctions. Tout à fait. Un mot pour dire cocorico, hein, faisons-le de temps en temps quand on a l'occasion de le faire. La France tient une belle place, quatrième rang mondial en termes de nombre de publications en dermatologie. La recherche française en dermatologie se porte bien, Martine Bagot ? Alors la recherche, oui, se porte bien. Alors c'est extrêmement important, vous savez, pour une discipline, la recherche, puisque la recherche est la source de l'innovation. Donc il est extrêmement important de faire des recherches sur la physiopathologie des différentes maladies. Quel est leur lieu. Et c'est aussi avec à ce titre, en faisant une recherche de qualité, en développant une recherche de qualité dans les services de dermatologie, en général hospitalo-universitaire, qu'on peut mettre au point les médicaments de demain et qu'on voit que la dermatologie était une discipline qui avait peu d'innovation thérapeutique il y a 20 ou 30 ans et qui maintenant est à la pointe de toutes les innovations thérapeutiques, aussi bien pour les maladies inflammatoires que pour les maladies cancéreuses dermatologiques. Et un mot également Marie-Alette Richard, alors on avait consacré une émission complète à ces notions de bio-impression. Mais là, il y a la semaine dernière, des chercheurs américains qui ont publié dans Scientific Reports la création d'un système de bio-impression mobile qui pourrait imprimer directement sur les plaies d'un patient une couche de peau générée à partir de ses propres cellules. C'est en train de devenir une réalité, ce qui est très important notamment pour les grands brûlés ou pour ce type de pathologie très grave où on ne peut pas faire d'allogreffe de peau. Oui, je pense que c'est des choses qui sont très attendues. On a de véritables besoins en termes de procédures optimales et rapides de couverture de la peau, puisque ne pas avoir de peau, ben, c'est s'exposer aux infections, à la déshydratation et à la douleur, puisque ne pas avoir de peau, c'est source de douleur effroyable. Et le fait de simplement couvrir la peau avec une greffe, vous avez un effet sur antalgique immédiat. C'est quelque chose de magique de voir le visage même des gens qui se transforment quand vous reconstituez le plus rapidement possible ce qui a été détruit ou ce qui a été abîmé. Et il est clair qu'on a besoin de ces techniques, surtout pour les grands brûlés, dans la mesure où nous ne sommes pas capables, en temps rapide, ça a été très bien dit par la personne qui était le commissaire d'exposition et qui décrivait un petit peu ces différentes procédures, nous ne sommes pas capables d'avoir pour l'instant des dispositifs qui couvrent très rapidement, donc en quelques jours, des grandes surfaces détruites. Et c'est un véritable problème puisque ça expose au pronostic vital, aux surinfections. Et donc, toutes ces techniques vont être extrêmement utiles. Et je pense même au-delà des brûlures, comme vous le disiez, pour certaines maladies génétiques comme les épidermolyses bulleuses. C'est un pansement moderne, je crois qu'il faut l'appeler comme ça. Et c'est le pansement high-tech, qui reste quand même dans des indications très particulières. Je pense qu'il faut raison garder parce qu'il y a derrière quand même des coûts effroyables. Et il y aura je pense de bonnes indications, mais pas pour autant quelque chose qu'on va trouver tout près en pharmacie pour l'ampoule après la balade. Je crois qu'il faudra raison garder. Martine Bagot, pour conclure. Oui, je crois que ces systèmes de bioimpression ont déjà rendu beaucoup de services pour tester des molécules. Ça remplace l'expérimentation animale, donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que ces mécanismes où, avec des ordinateurs, on saupoudre les couches de la peau les unes après les autres pour couvrir une surface de peau dénudée, sont certainement l'avenir pour les grands brûlés, pour des maladies dermatologiques avec perte de peau très étendue. Et je vous renvoie, on vient de mettre le lien d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission, à cette émission que nous avions consacrée à ces mécaniques de bio-impression. Merci beaucoup à toutes les deux, merci beaucoup Martine Bagot. Merci. Merci Marie-Lette Richard d'être venue nous parler de la peau au cours de cette heure. Merci à nos camarades de France Bleu Provence à Aix pour le duplex. Et puis je vous rappelle, dans deux jours, si vous êtes à Paris ou si vous avez la chance de passer à Paris, ça dure jusqu'au 3 juin, l'exposition Dans ma peau, c'est au Musée de l'Homme. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen et Léonore Pérez, Noémie Néguet de Saint-Vulfran, Mathieu Lefrançois, Tobim Denstock, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, nous parlerons d'un autre exploit, celui d'une sonde japonaise à Hayabusa qui a réussi à aller collecter à des millions et des millions de kilomètres de nous de la poussière d'astéroïdes et qui en plus va la ramener sur la Terre. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.